Alors, vous écoutez toujours Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et on va terminer l'émission avec François qui nous a préparé une revue de presse. On commence avec les cellules souches. Il y aurait un traitement de la, dégénérescence maculaire grâce aux cellules souches et des chercheurs allemands et américains ont réussi à rendre la vue à des lapins. Oui, alors on le sait, Valérie, on en a déjà parlé à Futur Simple, les cellules souches peuvent se multiplier indéfiniment et se transformer en n'importe quel type de cellules spécialisées. C'est ce qui les caractérise d'ailleurs. Alors évidemment, lorsqu'on dispose de la technologie pour les manipuler, ben elles ont un potentiel thérapeutique incroyable, notamment en médecine régénérative pour remplacer les tissus endommagés et aussi pour soigner certaines maladies. Alors, la recherche avance à grands pas et de plus en plus les progrès sont réalisés dans ce domaine. Alors, les ophtalmologistes ne sont pas en reste. Ils s'intéressent eux aussi aux possibilités qu'offrent les cellules souches pour traiter les maladies des yeux. Mm-hmm. Alors, par exemple, des chercheurs japonais ont réussi à fabriquer des yeux à l'état embryonnaire et des chercheurs français ont injecté des cellules souches directement dans la rétine de deux patientes malvoyantes. Mais récemment, des chercheurs de l'Université de Bonn en Allemagne et du Neural Stem Cell Institute de New York se sont intéressés à une maladie des yeux, la dégénérescence maculaire, provoquée par la dégradation progressive de la macula avec l'âge. C'est-à-dire, quand on parle de la macula, c'est la partie centrale de la rétine, c'est-à-dire celle qui nous permet de voir avec acuité. Puis il me semble que cette maladie, la dégénérescence maculaire, c'est une maladie qui se manifeste avec l'âge, comme tu dis, mais à laquelle on n'a pas de traitement actuellement. Cette pathologie oculaire représente la première cause de malvoyance chez l'humain après 50 ans dans les pays développés. Et il n'existe aucun traitement pour la soigner. En fait, on ne peut que ralentir son développement avec certains médicaments. Mais voilà donc que des expériences avec des cellules souches réalisées chez les lapins se sont avérées prometteuses. Alors c'est quoi ces expériences? Alors, les chercheurs ont utilisé des lapins qui avaient des cellules de macula abîmées. Ils leur ont injecté dans l'œil des cellules souches humaines de macula. Alors, ces cellules souches avaient d'abord été cultivées sur des petits disques de polyester pour fabriquer une couche cellulaire fine. Puis, ils ont injecté le transplant dans la rétine du lapin. Et qu'est-ce que ça a donné? Alors, après 4 semaines, le tissu implanté était toujours vivant. Ces résultats démontrent que les cellules souches oculaires de l'homme ont le potentiel de remplacer les cellules détruites chez le lapin. Et ça, c'est quand même assez incroyable parce qu'il s'agit quand même de deux espèces différentes, là. Évidemment, de nombreux travaux de recherche seront nécessaires pour implanter cette thérapie cellulaire chez l'humain et pour aboutir à des applications cliniques. Mais les résultats de ces expériences sont très encourageants. Ben oui. Les travaux sont publiés dans la revue Stem Cells Report. Alors, deuxième sujet, on va rester dans le domaine médical. Tu nous parles cette fois d'un médicament anti-inflammatoire qui induirait une perte de poids chez les souris obèses. Alors, est-ce qu'on aurait trouvé un médicament prometteur contre l'obésité? Alors, l'obésité est un problème de santé publique qui se répand dans presque toutes les régions du monde. Alors, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de cas a doublé depuis 1980. En 2008, 35% des adultes étaient en surpoids et 11% étaient obèses. Également, 40 millions d'enfants de moins de 5 ans seraient en surcharge pondérale. Donc, on voit que c'est de moins de 5 ans. C'est jeune. Oui, effectivement. Alors, ces personnes ont donc un risque accru de développer différents troubles de santé comme le diabète de type 2, l'hypertension et des problèmes cardiovasculaires. Et ce qui est curieux, ironiquement, l'obésité tuerait 3 fois plus de gens que la faim dans le monde. Ah, oui, c'est ironique, effectivement. C'est ironique, effectivement. Ouais. On meurt plus de trop manger que de ne pas manger assez. Effectivement. Et donc pourtant, l'obésité, c'est pourtant évitable si on concerne une bonne hygiène de vie, non? Tout à fait. En fait, malgré les recommandations des différentes institutions sanitaires, l'épidémie n'en finit pas de s'accroître. Ouais. Donc, pour faire face à ce problème, les scientifiques sont donc à la recherche de nouvelles solutions thérapeutiques. Or, l'année dernière, des chercheurs de l'Université du Michigan ont découvert que l'obésité conduisait à un état d'inflammation du foie et des tissus adipeux. Mmh. Alors, face à un tel constat, ils ont testé un anti-inflammatoire sur des souris obèses et ont réalisé qu'il favorisait la perte de poids. Mmh. Cet anti-inflammatoire s'appelle Amlexanox et est normalement utilisé pour soigner des aphtes, c'est-à-dire des petits ulcères qu'on retrouve dans la bouche. Alors, bien entendu, les chercheurs ont voulu comprendre le mécanisme qui permet à ce médicament de faire perdre du poids. Ouais, parce que ça semble assez loin quand même entre les aftes. Oui, le rapport n'est pas évident. Bon, alors entre les aftes et l'inflammation, peut-être je peux comprendre, mais là après avec la perte de poids, ça c'est loin. Donc qu'est-ce qu'ils ont découvert? Alors tout d'abord, rappelons à nos auditeurs qu'il existe plusieurs cellules spécialisées dans le stockage. C'est-à-dire des cellules spécialisées dans le stockage des graisses dans l'organisme. On les appelle les adipocytes. Or, ces cellules ont des récepteurs sur lesquels des hormones appelées catécholamines peuvent se fixer. Un exemple de ces hormones est l'adrénaline, que tout le monde connaît. Tout le monde sait de quoi on parle. Alors, ainsi, quand une hormone se fixe sur un adipocyte, l'adipocyte se met à brûler des graisses qu'il contient. Ah. Alors, c'est exactement ce mécanisme qui est inhibé chez les souris obèses. Donc, comment ça se passe, là? Est-ce qu'on sait comment le médicament va jouer là-dessus? Oui, ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Mais grâce à des chercheurs, des techniques en biochimie et en biologie moléculaire, les chercheurs ont démontré que chez les souris obèses, une protéine favorise l'expression de deux gènes qui codent pour deux enzymes. Or, ces enzymes réduisent la capacité des récepteurs qui sont sur les adipocytes à répondre aux catécholamines. Donc, à brûler des graisses. Autrement dit, chez les souris obèses, les adipocytes sont moins stimulés et les graisses s'accumulent plutôt que d'être brûlées. Mm-hmm. Et donc, comment c'est dur à dire, oui, ce nom de médicament? Oui, dur à dire, effectivement. Amlexanox agit pour faire perdre du poids aux souris obèses? Alors, les chercheurs ont démontré que cet anti-inflammatoire interférait avec les deux enzymes, ce qui a pour effet de rendre les adipocytes à nouveau sensibles aux catécholamines. Et les cellules se mettent donc à nouveau à brûler les graisses et des souris recommencent à perdre du poids. Le mois prochain, les chercheurs vont démarrer un essai clinique pour tester l'efficacité de ce médicament dans le traitement contre l'obésité et du diabète chez l'humain ce coup-ci. Ouais, c'est ça. Et les résultats, évidemment, de toutes ces recherches sont publiés dans la revue eLife. En tout cas, c'est quand même assez complexe, ces mécanismes. Oui. Et ce qui est quand même surprenant, c'est que c'est pas mal plus simple de faire attention à ce qu'on mange. Oui, c'est un fait. Mais évidemment, moi je pourrais dire, donc, les humains aiment beaucoup avoir une pilule pour corriger un problème. C'est la solution la plus facile. Oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup, François. Ça fait plaisir.